fierté, quelque peu opiniâtre, libre comme l'air et heureux comme un pape. Il navigue sur toutes les eaux perdues, baroudeur de sentiers battus. Car ce n'est qu'un chien errant parmi les hommes, un chien errant en quelque sorte. Un chien errant, ça vous étonne, à qui l'on n'ouvre pas la porte. Pour se nourrir, il remue ciel et terre, quitte à s'offrir les restes des prolétaires, qui parfois font le don de quelques os sur les voies et les caniveaux. Car ce n'est qu'un chien errant parmi les hommes, un chien errant en quelque sorte. Un chien errant, ça vous étonne, à qui l'on n'ouvre pas la porte. L'obéissance n'est pas de ses habitudes, dédaignant ceux que hante la servitude, et dont la vie ne tient qu'à une laisse, fardeau et misère qu'il délaisse. Normal pour un chien errant parmi les hommes, un chien errant en quelque sorte. Un chien errant, et ouais, ça vous étonne, à qui l'on n'ouvre pas la porte. Les chiens errants n'auront jamais leur place parmi ces gens. La liberté agace, qui aux aguets, toujours en état de guerre, même fouet la muselière sur les braves chiens errants parmi les hommes. Les chiens errants en quelque sorte. Les chiens errants, et ouais, ça vous étonne, à qui l'on n'ouvre pas la porte. Allez, allez, viens, viens mon chien, allez, ramène ta gueule, oh, tu seras non plus jamais seul. Allez, viens, viens mon chien, un chien errant parmi les hommes, à qui l'on n'ouvre pas la porte. Un chien errant, ça vous étonne, à qui l'on n'ouvre pas la porte. À qui l'on n'ouvre pas la porte.